Si leur stylo transpire, les nôtres sont déodorants. Désodorisants pour les refs, euphorisants. Comme une bonne teuf sans bluff, d'où tu pars en 10 ans. J'ai fait mon taf dans ce truc pendant 10 ans. M'en voulais pas, moi des conflits, j'en voulais pas. En tous les cas, on fait ce qu'on a à faire. Tôt ou tard, tout c'est. Fais bien tes affaires. Tôt ou tard, quelque part, c'est le moment. Après démarrage, faut embrayer. Tôt ou tard, quelque part. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Tard. Le taf est fait que tu dois payer. C'est le moment. Après démarrage, faut embrayer. Tôt ou tard, quelque part. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tôt ou tard, on aura l'Oscar des MC qui font pas les tocards devant la caméra et même si. On l'a pas, on continuera le tapage nocturne. On bosse pas à la Fnac, mais c'est là-bas qu'on y gagne notre thune. Notre thune, le nombre de groupes qu'il y a aujourd'hui en France. En fait, ça devait prendre, je vais pas t'apprendre la persévérance. Ça paye un jour et donc aujourd'hui c'est le tour pour réussir, défi personnel, pas un concours. Un de ces quatre, les pendules seront remises à l'heure. Le vrai rap reviendra en force pour faire monter la chaleur. La température, MC pas caricature. Dans le futur on le fera et on t'enverra la facture. Tôt ou tard, le retard sera attrapé ma vie. Ressemble à ça, faut être patient, maman me l'a dit. Tôt ou tard, le taf est fait que tu dois payer. Permets la suite, après démarrage faut embrayer. C'est essayer et voir ce qu'on vaut dans tous les domaines. Mental à toute épreuve solide comme une colonne romaine. Tôt ou tard, le taf est fait que tu dois payer. Permets la suite, après démarrage faut embrayer. C'est essayer et voir ce qu'on vaut dans tous les domaines. Tôt ou tard, on verra bien où cela nous j'te mène. Je te mets au courant, je t'envoie un Telex, un fax, un FedEx, un coursier. Action secret, crack boursier. Faut pas qu'ils se vexent, qu'ils viennent en vélo ou en solex. Des clins faux pas, les faux trépassent. Et ça fait de la place. Tôt ou tard, c'est sûr qu'on finira par le savoir. On finira par l'avoir, notre dû, le bout du couloir. On finira par l'apercevoir. On va enfin le voir, le jus frais, 100% MC, il va enfin le boire. Certains en fin de gloire ont maintenant l'air des animaux de foire. Dès qu'il ouvre sa foire, joue les stars, nous on s'occupe de notre art. Scred, ça se passe ici et pas autre part. Scred, j'ai pas fini, d'autre part. Scred, du microphone, on s'accapare. Tôt ou tard, quelque part, c'est le moment. Tôt ou tard, quelque part, c'est le moment. Tôt ou tard, quelque part, et qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Le taf est fait que tu dois payer. C'est le moment. Tôt ou tard, quelque part. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tôt ou tard, le taf est fait que tu dois payer. Permets la suite, après démarrage faut embrayer. C'est essayer et voir ce qu'on faut dans tous les domaines. Mental à toute épreuve solide comme une colonne romaine. Tôt ou tard, le taf est fait que tu dois payer. Permets la suite, après démarrage faut embrayer. C'est essayer et voir ce qu'on vaut dans tous les domaines. Tôt ou tard, on verra bien où cela nous mène. Coma, coma, coma, coma, coma, coma, en scred. Coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, de fa. Coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma. Vous avez entendu parler des anciennes autoroutes? Eh bien, le temps est comme une autoroute sans fin, avec un nombre infini de voies qui vont toutes du passé vers l'avenir. Par conséquent, si un conducteur décide de changer de voie, il peut changer son avenir. Si vous quittez cette pièce à l'instant, vous pouvez être tué accidentellement. Et si par hasard vous la quittez une minute plus tard, vous êtes épargné. C'est un choix aveugle, mais vous pouvez changer de voie. Moi, je sais très bien ce qu'il faut que je change.